Bonjour, frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire un message des plus importants à propos du salut par la foi. La foi sans les œuvres ou la foi avec ses œuvres. En Matthieu 16, 27, Jésus dit que nous serons jugés selon nos œuvres. Alors, les œuvres ont donc un rôle à jouer dans l'affaire de notre salut. C'est évident. D'où vient donc alors la doctrine d'un salut par la foi seule? Que dit la Bible à propos de la foi? Et quel est le rôle des œuvres exactement? Alors, avec la grâce de Dieu, je vais démêler tout ça. Puis après avoir entendu ce message-là, vous saurez exactement quel est le rôle de la foi, qu'est-ce que c'est que la foi premièrement, puis le rôle des œuvres qui vont avec. Je crois de tout mon cœur à la doctrine du salut par grâce et au moyen de la foi. Ceci est bien établi dans les Écritures, alors ce n'est pas ça que je vais remettre en cause ici, là, je vous rassure en partant. Ce qui me pose problème, c'est la définition du mot « foi » que plusieurs en ont et qui n'est pas biblique. Également, n'ayez pas peur du mot « œuvre ». Les œuvres chrétiennes ne sont pas contraires à la grâce et les œuvres n'anéantissent pas la grâce, nullement. La Bible parle de la grâce, de la foi et des œuvres en des termes qui ne sont pas contradictoires. Au contraire, vu et compris dans leur juste perspective, ces trois choses s'emboîtent magnifiquement l'une dans les autres dans le grand plan du salut de Dieu. Ce sont les gens mal instruits dans la parole qui ont fait de ces mots des ennemis entre eux. Alors ne craignez pas, je ne vais pas vous enlever la grâce, mais la fortifier au contraire et la multiplier. Après avoir écouté ce message, vous allez être rempli du Saint-Esprit sur une base quotidienne. Amen. Dans beaucoup d'esprits, la foi est opposée aux bonnes œuvres et les bonnes œuvres sont opposées à la foi. Alors que ces deux notions sont absolument inséparables selon qu'il est écrit « Je te montrerai la foi par mes œuvres » Jacques 2,18. Je suis fatigué d'entendre citer sans cesse Éphésiens 2, 8, 9 et que l'on oublie toujours de citer le verset 10 qui lui est inséparable, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jean-Baptiste a clairement dit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Martin Luther s'amène 1500 ans plus tard et lance une nouveauté. Il enseigne que l'homme est sauvé par la foi seul, sans faire aucune œuvre, ni avant ni après être sauvé. Quel est le rôle des œuvres finalement dans l'affaire de notre salut? Elles ont forcément un rôle à jouer quelque part puisque la Bible dit partout que nous serons jugés selon nos œuvres et que ce sont ces œuvres qui décideront de notre salut ou de notre perdition finale. Qu'est-ce que Paul voulait dire quand il a parlé d'un salut sans les œuvres de la loi? On va voir ça. De nos jours, il y a des centaines de milliers de croyants sur la terre qui sont tout à fait stériles pour le royaume de Dieu à cause de cette doctrine mal comprise, qui est la doctrine du salut par la foi. Cette doctrine est responsable de l'attiédissement et de la fermeture de milliers d'églises locales de par le monde. Il commence à être temps que quelqu'un dise enfin quelque chose là-dessus. Quand vous allez avoir écouté ce message, tout vous paraîtra enfin très clair. La Bible ne se contredit pas. Ce sont les hommes mal instruits qui l'interprètent selon les désirs de leur cœur et qui se contredisent entre eux. Dans toutes les écoles bibliques, on enseigne un salut par la foi sans les œuvres. On s'appuie principalement sur les enseignements de Martin Luther, évidemment. Luther, chez les protestants, c'est la référence en matière de doctrine, tout comme le pape est la référence chez les catholiques. Moi, je crois qu'il faut laisser la Bible être la référence de tout. Le protestantisme et le catholicisme se contredisent pratiquement sur tous les fronts, alors que la Bible ne se contredit nulle part. Est-il vrai que l'on est sauvé par la foi seule. Dans la Bible, nous voyons sans cesse que la vraie foi est toujours accompagnée de la repentance. La repentance, c'est un engagement à abandonner le péché. La foi seule ne suffit pas. Nous devons lui joindre les œuvres de la repentance. On est d'accord là-dessus jusque-là? Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prêché la repentance et tous les apôtres du Nouveau Testament ont prêché la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance et la foi en Jésus. Même Jésus a prêché la repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, Marc 1,15. Alors, le salut par la foi seul, ça n'existe pas dans la Bible. Cette doctrine a été échafaudée par Martin Luther au 16e siècle. L'école protestante a voulu réagir contre certaines erreurs catholiques et s'est jetée en des erreurs encore pires. Dans l'esprit de Martin Luther, Zwingli et Calvin et compagnie, le salut par la foi seul signifie être sauvé sans être dans l'obligation de se repentir ou de se sanctifier. On disait seulement qu'une vraie foi allait porter des fruits naturellement. Mais la nature nous enseigne que toute chose laissée à elle-même va dépérir. Nous constatons bien les tristes fruits de cette loi à tous les jours dans nos églises. Tout chrétien qui ne s'appuie que sur la foi seule tombe tôt ou tard dans la tiédeur et retourne très souvent dans ses anciens péchés. Pour Martin Luther, la foi prime sur tout. Parmi les 41 propositions de Luther condamnées par Léon X, nous lisons à la 11e « Croyez fortement que vous êtes absous et vous l'êtes quoi qu'il en soit de la contrition, c'est-à-dire de la repentance. » En d'autres mots, le salut, ça se passe dans ta tête. Si tu crois que tu es sauvé, alors tu es sauvé. Peu importe la repentance que tu peux avoir. C'est pas biblique, ça, mes amis. Du tout, là. Luther abolit la nécessité de la repentance et ne lui prête aucune vertu. La repentance, pour lui, n'est qu'une œuvre inutile de plus. À la repentance, Luther lui substitue de préférence une foi mentale qui consiste à se persuader soi-même que l'on est sauvé. Il dit « Croyez fortement que vous êtes absous et vous l'êtes. » Je m'excuse, mais c'est pas ça la foi. C'est pas de la foi, ça. La Bible dit « La sécurité des insensés les perd. » Proverbe 1,32. Proverbe 30,12 « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. » Alors la foi, c'est inséparable de la repentance. Où est-il écrit dans la Bible que la repentance est une option? Où est-il écrit dans la Bible que la foi est plus importante que la repentance ou prime sur la repentance? Jean-Baptiste ne prêchait-il pas la repentance d'abord et ensuite de croire en celui qui devait venir? La foi sans la repentance est inutile et vaine. Paul a enseigné un salut sans les œuvres de la loi, tandis que Martin Luther a enseigné un salut sans les œuvres tout court. Il y a là une énorme différence. Il y a eu une mauvaise interprétation des écrits de Paul. Martin Luther leur a donné un sens que Paul n'a jamais entendu leur donner. Au cours des siècles, il y a eu des centaines de milliers d'églises qui ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce que toute église stérile en œuvre sera déracinée. Dieu ne tolère pas qu'une église occupe la terre inutilement. Frère pasteur, ce message peut sauver la vie de votre église. Alors écoutez-moi bien. Nous savons que les pharisiens observaient la loi de Moïse scrupuleusement et allaient même au-delà d'elle. C'est de ça dont parlait Paul quand il écrit que l'homme était justifié par la foi sans les œuvres de la loi, Romains 3,28. Les pharisiens observaient la loi dans ses ordonnances extérieures, mais négligeaient totalement l'œuvre de leur sanctification intérieure. S'il est vrai que l'homme est sauvé sans les œuvres de la loi, il ne le sera pas sans les œuvres de la foi. L'œuvre de la foi, c'est avant tout la sanctification intérieure du cœur, du caractère et de ses affections. Martin Luther a cru que le salut sans les œuvres de la loi signifiait qu'on n'était plus obligé de travailler à sa sanctification et que ce travail-là était même une insulte à la foi. Si ta foi t'amenait à vivre plus vertueusement, tant mieux, mais ce n'était pas une obligation. Luther regardait les œuvres comme un corollaire ou une résultante de la foi, mais qui n'était pas du tout obligatoire. Ce qui contredit l'Écriture qui déclare clairement que « sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur » Hébreux 12,14. La théologie luthérienne enlevait l'obligation de se sanctifier, ce qui a été désastreux à l'époque. La vie morale des protestants de l'époque a été une vraie débâcle. Beaucoup n'ont voulu retenir qu'une chose, si la foi suffit à tout, alors que nous importent les œuvres. Et combien le glissement est facile à une conscience faussée. Quand on croit être sauvé à ne rien faire, on finit justement par ne plus rien faire. Cette situation est à pleurer dans les églises aujourd'hui. L'obligation de porter du fruit n'est très souvent même pas enseignée du tout. Le luthéranisme est vite devenu le complice de toutes les passions, puisqu'il accordait l'absolution des pires vices. Non content de recouvrir le péché sans l'enlever, la théologie luthérienne assure la pleine impunité et la récompense de la vie éternelle. À la 31e des propositions de Luther, il a écrit « Le juste pèche dans toute bonne œuvre ». À la 32e proposition, il dit « Une bonne œuvre, même très bien faite, est un péché véniel ». Trouvez-moi un seul verset dans la Bible pour appuyer ça. Ce sont des affirmations gratuites et très graves en conséquence, là. Le dogme essentiel du luthéranisme est immoral en soi. La justification par la foi seule doit conclure à l'inutilité des œuvres de sanctification. Toute la doctrine luthérienne peut se résumer comme suit. Comment dormir en paix dans mes péchés? Comme si la foi te donnait la paix avec Dieu, même dans tes péchés. Il n'est pas étonnant que Martin Luther vivait dans le relâchement moral lui-même. Il trouvait ça drôle en plus. Il s'adonnait à la boisson et, selon ses propres expressions, dévorait comme un bohème, un porc, et buvait comme un teuton. Ses propres paroles. Mais pourtant, en Deutéronome 29, 19, 20, il est dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contracté avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. » Alors, on ne se moque pas de Dieu. La foi n'excuse pas tout. On voit que les effets de sa doctrine sur lui-même était déplorable, et les effets de sa doctrine sur les contemporains furent non moins déplorables également. Il a écrit lui-même à ce propos « La licence et tous les genres de vices sont dans toutes les conditions portés bien plus loin aujourd'hui qu'ils ne le furent jamais sous le papisme. » Fin de citation. Il constatait que les réformés s'appuyait sur sa propre doctrine pour vivre mal. Je cite, « Si ce n'est point par les œuvres qu'on se sauve, disent-ils, pourquoi m'imposerais-je des privations? » C'est le raisonnement que les gens faisaient, suite à la doctrine qu'on leur avait enseignée. En présence de tels résultats, Luther désespérait. Il dit, « Si j'avais à recommencer, disait-il, je laisserais sous le gouvernement du pape la multitude du peuple, car ces gens ne s'amendent point avec l'Évangile et ne font qu'abuser de la liberté qu'on leur donne. Mais oui, mais on récolte ce qu'on sème. Les gens suivaient simplement ce qu'il leur avait enseigné. On reconnaît une doctrine à ses fruits. Une bonne doctrine porte de bons fruits, et une fausse doctrine porte de mauvais fruits. La mauvaise doctrine porte toujours de mauvais fruits. Si les doctrines luthériennes venaient de Dieu, elles auraient porté des fruits de sainteté et non l'inverse. Nous savons que la grâce ne nous donne pas la permission de vivre dans le péché, mais bien au contraire, la grâce n'est pas une permission. La foi n'est pas davantage une permission. Il faut savoir que toute cette doctrine a été le fruit d'un effort de Luther pour se mettre en paix avec sa propre conscience. Au départ, c'était ça le moteur. Martin Luther était une âme tourmentée par la culpabilité de ses péchés. Et c'est pour se donner la paix à lui-même qu'il a élaboré tout cet échafaudage théologique boiteux, censé lui donner la paix avec Dieu, là. Cette fausse liberté de ne faire aucune œuvre pour assurer son salut est sortie tout droit de sa conscience qui était malade. Tous ceux qui ont lu les différentes biographies peuvent le dire. Martin Luther, auparavant, vivait dans une véritable névrose de culpabilité. Alors, pour se soulager, faisait d'immenses sacrifices et de grandes mortifications. Il s'y prenait très mal pour se sanctifier. Un jour, il s'est jeté dans l'excès opposé. Il s'est mis à chercher des versets bibliques pouvant lui servir à justifier son incapacité à se sanctifier. Il cherchait un moyen d'avoir la paix avec Dieu. Il rejette maintenant tout effort. Il passe d'une exagération à une autre. Il trouve quelques versets dont il arrive à tordre le sens. Il affirme donc que l'homme possède une concupiscence invincible. Il nie le libre arbitre en matière du bien et du mal, et le tour est joué. À cet instant précis, il ne se sent plus coupable de rien, puisqu'il n'est plus responsable de rien. Pour lui, si tu as la victoire sur tes péchés, tant mieux. Si tu ne l'as pas, tant pis, c'est pas grave, t'es justifié quand même à cause de ta foi. Martin Luther s'auto-séduit. Il interprète les Écritures pour sa propre destruction spirituelle. Il croyait que même après être devenu chrétien, l'homme n'avait pas davantage le libre arbitre. Pourtant, l'apôtre Paul a clairement dit en Romains chapitre 8 « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » La New English Bible rendue « Nous ne sommes pas obligés de vivre à ce niveau. » Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Traduction Montgomery a rendu, si vous continuez à vivre selon la chair, vous mourrez. Martin Luther enseignait la concupiscence invincible. Il nie le libre choix en matière du bien et du mal. Ce qui contredit ce que Paul vient de dire ici. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Toute victoire est possible avec l'Esprit de Christ. Il ne peut pas y avoir de réelle repentance et de consécration sans la liberté de choix. Si l'homme n'a pas le libre arbitre, tout ce qu'il fait de bien n'a aucune valeur et tout ce qu'il fait de mal n'a aucune gravité. Il ne faut pas un grand discernement d'esprit pour sentir que tout ça, là, ça sonne aussi faux qu'un orchestre de chimpanzés, là. On entend dire souvent « l'homme n'est pas justifié par les œuvres, mais le vrai salut va produire des œuvres ». OK, c'est bien joli, là. Mais malheureusement, la foi ne produit pas forcément et automatiquement des œuvres. Il n'y a qu'à regarder autour de nous, là, dans l'Église. Beaucoup de chrétiens autour de nous ont la foi, mais sont quand même sombrés dans la paresse et la tiédeur et ne produisent plus aucune œuvre depuis très longtemps. Alors, c'est pas vrai que même si tu as une vraie foi, ça va produire des œuvres. C'est pas vrai, ça. Frères et sœurs, je sais que c'est pas agréable de voir attaquer les doctrines que l'on chérit depuis des années et que c'est difficile pour nous de sortir du moule de plomb là, dans lequel on a été enfermé pendant tant d'années. Mais prenez le temps de réétudier la question avec un esprit ouvert, là. Écoutez-moi bien jusqu'au bout, là. Puis le Seigneur va vous donner, va vous conduire dans quelque chose de magnifique. Le sujet des œuvres a été un sujet presque totalement tabou dans les églises depuis plus de 500 ans maintenant. Vous ne croyez pas que ça commence à bien faire, là? Ça fait plus de 500 ans qu'on se fait laver le cerveau. Il est plus que temps d'abandonner ces doctrines d'hommes et de retourner à ce que la Bible enseigne. Moi, je crois qu'en ces jours de la fin, le Seigneur veut restaurer toutes les vérités évangéliques dans leur pureté première. Les mots « bonnes œuvres » sont des mots pratiquement tabous dans les églises qui sont purement protestantes. Ce sont des mots dont on a frayeur. On ne parle jamais des bonnes œuvres, sauf pour dire qu'il n'est pas nécessaire d'en faire. Frères et sœurs, prenons garde à ceux qui prêchent un évangile vidé de ce qui en fait la force. Il ne s'agit pas seulement de se persuader soi-même qu'on est sauvé pour l'être. Je m'excuse, mais ce n'est pas biblique. La plus grande certitude qu'on puisse avoir en ce monde d'être dans la grâce du salut consiste dans les œuvres d'abandon du péché et dans les œuvres de la charité. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Écoutez bien, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Elle est là la véritable assurance du salut chrétien, dans les œuvres charitables. William Marion Branham a dit ceci à propos du salut. Écoutez bien ça. Vous pouvez être extrêmement bon, vous pouvez mener une vie pure, vous pouvez aller à l'église chaque jour, vous pouvez faire des sacrifices chaque jour, vous pouvez donner une partie de votre argent, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et tout et vivre juste aussi fidèlement et sincèrement que vous le pouvez et rater le ciel. Fin de citation. La plus grande foutaise jamais écrite. Branham en s'en était un qui croyait au salut selon Martin Luther. En d'autres mots, il dit, vous n'avez pas besoin d'être bon, vous n'avez pas besoin de mener une vie pure, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, vous n'avez pas besoin de faire de sacrifices. Si vous êtes quand même chrétien, alors vous n'avez pas besoin d'exercer la charité envers les pauvres, vous n'avez pas besoin d'abandonner le péché, vous n'avez pas besoin d'être fidèle, vous n'avez pas besoin d'être sincère. Pour être sauvé, il vous faut juste croire que Jésus vous a offert le salut et croire que vous l'êtes. Eh bien, frères et sœurs, moi je vous le dis, que tout ça, c'est de la doctrine de démons pure et nette. Il n'est pas dit, voici l'agneau de Dieu qui recouvre les péchés du monde, mais qui ôte le péché du monde. Ceux qui n'ont que la foi seront trop nus pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit que ce sont les justes qui iront à la vie éternelle. Matthieu 25, 45. Pas ceux qui ont la foi. C'est trop facile, ça, d'avoir la foi. N'importe qui peut avoir la foi. À nulle part dans la Bible, vous allez voir que l'homme est sauvé par la foi seule. Je vous mets au défi de prendre une concordance, là, et de trouver un seul verset qui dit ça. Je vous mets devant un autre défi. Trouvez-moi un endroit où il est dit que l'homme peut être sauvé en acceptant Jésus comme sauveur sans l'accepter comme Seigneur. Vous n'en trouverez pas parce que ce n'est pas biblique. Et si nous sommes sauvés par la foi seule, pourquoi les démons ne sont pas sauvés eux aussi? Éphésiens 2:8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi seule? Non, par le moyen de la foi. Mais pas par la foi seule. La vraie foi n'est jamais seule. Je le répète dans la Bible, la vraie foi n'est jamais seule. La vraie foi est toujours accompagnée de ses œuvres. Elle est tantôt accompagnée par les œuvres de sainteté, de sanctification, tantôt par les œuvres de charité, mais jamais elle n'est seule. Paul a écrit, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Un croyant me dit un jour, nous n'avons rien à faire pour être sauvés, tout est déjà fait, il ne nous reste qu'à dire merci Seigneur. Mon Dieu, que ces paroles sont tristes et combien elles reflètent bien l'ignorance de Jésus-Christ parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent, ah, Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle, alors je n'ai qu'à croire en Jésus, puis je suis sauvé. Je suis désolé, mais la foi dont Jésus parle, ici et dans tous les évangiles, est toujours une foi accompagnée de ses œuvres également. Jésus dit ici, ce que croire en lui va apporter ultimement aux croyants. Il n'est pas en train d'abolir les œuvres. C'est un peu comme un autobus, là. La ville de destination est inscrite en haut du pare-brise, soit Montréal, par exemple. Ça ne signifie évidemment pas que lorsque vous mettez le pied dans cet autobus, vous êtes soudainement arrivé à Montréal automatiquement, car il y a plusieurs étapes dans le voyage avant d'arriver finalement à cette ville. La foi en Christ, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Quand le Seigneur a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle », Jésus résumait la vie chrétienne. Il en donnait un abrégé. Il a réduit et ramené la vie chrétienne à sa forme la plus simplifiée. Il a comprimé en quelque sorte tout l'Évangile en une seule phrase. Un résumé n'est qu'une abréviation d'un message beaucoup plus vaste. Ce que le Christ énonce ici n'est qu'un sommaire. En édition, le sommaire, c'est pas l'ouvrage en entier, mais seulement l'indication, en peu de mots, des principales choses contenues dans l'ouvrage. On le place ordinairement à la tête de chaque chapitre pour permettre à l'esprit d'embrasser l'ensemble de ce qui va être détaillé plus loin. Alors, quand Jésus parle de croire en lui, il n'est pas en train d'annuler tout le reste de l'Évangile. Il n'est pas en train d'annuler les œuvres, car les œuvres sont incluses dans l'Évangile. Les œuvres sont incluses dans la foi en Jésus. Selon qu'il est écrit en Apocalypse 2:26, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Il ne s'agit donc pas seulement de garder la foi. Pas étonnant que Luther ne croyait même pas que l'Épître de Jacques était inspirée. Pas étonnant que Luther ne croyait pas non plus que l'Apocalypse de Jean était inspiré. Pourquoi? Parce que ces deux livres parlent du rôle des œuvres partout. Si la chose n'avait dépendu que de lui, il les aurait enlevés de la Bible. Pourquoi? Parce que ça contredisait sa petite doctrine chérie. En Jean 3,16, il est dit « Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Croire n'est pas seulement un acquiescement mental, mais la foi implique des tas de choses. Ces choses ne sont pas énumérées ici, mais elles le sont en sous-entendu, puisqu'on en fait de clairs exposés plus loin dans les Évangiles. Par exemple, si quelqu'un ne porte pas sa croix, il ne peut être mon disciple. Alors, porter sa croix, c'est donc inclus dans la foi au Christ. Si vous gardez mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, gardez les paroles du Christ, est donc inclus également dans la foi au Christ. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Alors, l'amour fraternel est donc aussi inclus dans la foi au Christ. Vous voyez, mes amis, on ne s'en sort pas. Le salut, c'est bien plus que dire merci au Seigneur, là. La foi, c'est bien plus que dire merci, Seigneur. Frères et sœurs, on ne peut pas prendre un petit bout de verset et lui donner le sens qui nous fait plaisir. Il faut le regarder dans l'entier de son contexte évangélique. Toutes les doctrines luthériennes sont basées sur des petits bouts de versets comme ça auxquels il a donné une interprétation détachée du reste des Écritures, ce qui est illégal en interprétation, là. Le Seigneur dit dans sa parole qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Le peuple de Dieu va se mettre à comprendre la Bible de plus en plus et va rejeter toutes ses doctrines à erreur. Je vous le prédis, frères et sœurs, un jour, les doctrines luthériennes vont être jetées dehors de beaucoup d'églises, au grand contentement du Seigneur. Ce sera ça ou c'est le Seigneur qui va sortir de nos églises? Paul, sur le chemin de Damas, a dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et Dieu lui a répondu « « Ah, mais absolument rien du tout, Paul, tu sais pas, la foi seule, ça suffit. Va-t'en chez vous, lis la Bible un peu, mets un petit verset biblique, un autocollant sur le pare-choc de ta voiture, là, puis va juste à l'église le dimanche, puis attends mon retour. Chante des cantiques, et puis si ça te tente d'évangéliser, ben ce sera une bonne idée, mais si ça te tente pas, t'es pas obligé. » Non! Dieu avait préparé de bonnes œuvres pour lui afin qu'il les accomplisse. Toute l'énergie qu'il a passée à essayer de détruire l'Église, ben il va maintenant être obligé de la reconstruire. Il a dit lui-même « Malheur à moi si je n'évangélise pas ». Alors je dis « Malheur à nous si nous n'accomplissons pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions ». Chaque croyant a reçu du Seigneur sa petite mission, et que ça nous plaise ou non, notre salut en dépend. La vraie vie chrétienne est jonchée de gestes d'obéissance courageux et de vaillants combats vers la sainteté. Le salut prêché par les pseudo-réformateurs là, n'était qu'un message de facilité et de complaisance pour les faiblesses de la chair. Maintenant, prenons le verset suivant, qui est le verset en or là, du luthéranisme. Le juste vivra par la foi. Galates 3:11. On retrouve ce verset en Habacuc 2:4, Romains 1:17, Galates 3:11, Hébreux 10:38. Alors, arrêtons-nous un instant. Ce verset ne dit pas « Le juste vivra par la foi seul ». Il ne dit pas non plus « Le pécheur vivra par la foi ». Mais « Le juste vivra par la foi ». Dans la Bible, une vraie foi est toujours accompagnée d'œuvres justes. Pourquoi qu'il est dit « Le juste vivra par la foi » Martin Luther a lu ce verset-là et l'a interprété de la façon suivante. Le pécheur pourra être sauvé par la foi seule. Ce qui est une erreur d'interprétation gigantesque. Là. Il a simplement vu en ce verset ce qu'il a voulu y voir. Martin Luther avait des problèmes de péché dans sa vie et il en faisait une névrose. Et en interprétant ce verset de cette façon, toute sa culpabilité s'envolait comme par magie. Pour lui, la justification, ce n'est qu'une justice imputée, ni plus ni moins qu'une sorte d'étiquette que Dieu te colle sur le front, puis c'est tout. Tandis que la Bible dit, « De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Romains 5:19. Il ne s'agit pas seulement d'une justice imputée, mais d'une justice qui porte des fruits justes, qui prend une personne injuste et la rend juste, véritablement. Un juste, c'est quelqu'un qui marche dans la justice, qui est juste en action et en vérité. Éloigne-toi du mal et fais le bien, dit l'Écriture. C'est ça un juste. Voilà le mode de vie qui fait la preuve d'une vraie justification. La justice de Christ n'est plus valide chez un homme qui s'en sert comme couverture ou prétexte de demeurer dans ses péchés. Martin Luther doit être en train de se retourner dans sa tombe s'il m'entend, mais je n'y peux rien, c'est ce que la Bible enseigne. Oui, le Christ nous a imputé sa justice, mais ce n'est pas une justice de nom seulement. Au contraire, la justice de Christ est rendue parfaite par ses œuvres de justice. Vous entendez bien, là? Être juste signifie poser des actions justes, émettre des jugements justes et prendre des positions justes. La foi ne commence à sauver que lorsqu'elle commence à être agissante par ses œuvres. Là, je parle des œuvres de sanctification du péché, des œuvres d'obéissance à la volonté de Dieu et des œuvres de charité. Ça, c'est le christianisme primitif enseigné par les apôtres. La justification, selon Martin Luther, n'est qu'une parodie de justice, une justification stérile qui n'est pas biblique. On reconnaît la vraie justification à ses fruits justes, et on reconnaît la vraie sanctification de Christ à ses fruits saints. Un arbre qui ne porte pas de fruits est un arbre mort, prêt d'être coupé et jeté au feu. Alors, sans obéissance au Seigneur, il n'y a pas de justification qui tienne très longtemps. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Ne me dites pas que la foi seule suffit. L'apôtre Paul a dit que l'homme était justifié sans les œuvres de la loi, Romains 3:20. Maintenant, qu'est-ce que les œuvres de la loi? Ben, lisez les livres du Lévitique à la rigueur, le Deutéronome, etc. Les œuvres de la loi de Moïse sont toutes les prescriptions extérieures qui n'engagent pas le cœur. C'est la sorte de religion imaginaire que les pharisiens pratiquaient. En d'autres mots, nul ne sera justifié en imitant les pharisiens. Jésus a dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Où les pharisiens allaient chercher leur justice? Ah, on est des enfants d'Abraham. Ils tiraient leur justice de celle d'Abraham. Jésus a dit, non, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, pas autrement dit, ce n'est pas cette justice-là, ce n'est pas une justice imputée, tout extérieure seulement, qui va vous sauver. Comment fait-on pour surpasser la justice des pharisiens? Eh bien, c'est en engageant notre cœur. C'est ce que Jésus a décrit en disant que les croyants allaient servir Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire dans la sincérité de leur cœur et non plus selon des rites extérieurs périmés de la loi de Moïse comme la circoncision. Colossiens 2:11, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire des péchés. Romains 3:21, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. C'est-à-dire que sous l'Ancien Testament, nous voyons Dieu justifier des gens qui n'appartenaient même pas à son peuple et qui ne connaissaient même pas la loi. Naaman le Syrien, la veuve de Sarepta, Rahab la prostituée, etc. Tous ces gens-là, bien qu'ils ne suivaient pas la loi de Moïse, ont posé des gestes qui ont été agréables au Seigneur et se sont vus récompensés et justifiés. Quand Dieu récompense, c'est qu'il justifie. La récompense est un témoignage de justification. C'est ce que veut dire ce verset. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Au verset 27, il est dit, « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, c'est-à-dire la loi de Moïse? Non, mais par la loi de la foi. Une loi, là, dans le langage biblique, c'est quelque chose qu'on est dans l'obligation de suivre pour être en paix avec Dieu. En d'autres mots, nous ne sommes plus obligés de suivre la loi de Moïse pour être sauvés, mais uniquement la loi de Jésus. La loi de Jésus n'est pas seulement la foi. Jésus a dit, « Si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. » On voit que la loi de la foi, ce n'est pas une foi stérile, une foi à ne rien faire, ou une foi seule, ou une foi à s'asseoir dessus, comme le croyait Martin Luther, mais une foi active et obéissante. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Éphésiens 2:8-9. Ce qui est très parallèle à Galates 2:16, « Ce n'est pas par les œuvres de la loi » que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Galates 5:2-4, Paul a écrit, « Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ce qui nous amène à comprendre enfin, là, Éphésiens 2:8-9, c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est pas par les œuvres. Ce qui signifie, ce n'est point par la circoncision, ni autre loi de la même nature. Alors, il ne faut pas mélanger les œuvres de la loi avec les œuvres de la foi. Quand Paul dit qu'on est sauvé par grâce par le moyen de la foi, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, il ne parle pas des bonnes œuvres, il parle des œuvres de la loi de Moïse. Les œuvres de la loi sont des œuvres extérieures qui n'engagent pas le cœur, telles la circoncision et autres rites semblables. Elles deviennent les œuvres de l'orgueil, des œuvres de pharisiens. Ces œuvres-là sont, sans contredit, vaines à procurer le salut. L'orgueil est en inimitié à la grâce. La foi possède cette particularité-là qu'elle est humble, humble comme la grâce. Le commencement de la vraie foi est toujours l'anéantissement de l'orgueil. Seule une foi humiliée possède le pouvoir de nous faire devenir enfants de Dieu et de nous donner le pouvoir d'accomplir des œuvres salvatrices. Selon Martin Luther, le salut, c'est quelque chose, je cite, « où Dieu fait tout et l'homme ne fait rien ». Le mot « foi » dans l'esprit des réformateurs était synonyme de quelque chose qui n'agit pas, de ce qui subit une action. L'inertie, la stagnation, l'inaction, l'apathie, la léthargie et le quiétisme. C'était ça la foi des réformateurs. La doctrine luthérienne du salut par la foi seule s'apparente totalement au quiétisme. Laissez-moi citer un manuel de doctrine à propos du quiétisme. Je cite, « D'une manière générale, on entend par quiétisme un mysticisme exagéré qui tend à jeter les âmes dans l'inaction, à supprimer certains actes commandés par Dieu et essentiels à la vraie piété. Ce système met la perfection de l'homme dans l'oubli de lui-même. La perfection chrétienne consiste dans un acte continuel de contemplation et d'amour. Dans cet état, l'âme ne doit réfléchir sur rien et s'abandonner à Dieu dans une quiétude parfaite. Les bonnes œuvres extérieures sont inutiles et même nuisibles puisqu'elles tirent l'âme de sa quiétude. Voyez-vous la dérive? » Je continue la citation. « Dans cet état, il ne faut pas se préoccuper des tentations qui affligent la partie sensible, ni des dérèglements du corps. L'âme, intimement unie à Dieu, cesse d'être responsable. » On voit là exactement la doctrine de Martin Luther, qui est l'abolition du libre arbitre. Le quiétisme se rattache plus ou moins à travers les âges aux doctrines obscures des philosophes indiens et des gnostiques du deuxième siècle. » Fin de citation. Alors je conclus ces citations par une parole très à propos de Bossuet. L'erreur s'aveugle elle-même. Ce qui est exactement la doctrine luthérienne, là, qui nie le libre arbitre, on voit que cette doctrine, sous prétexte de perfection et de foi, dépouille le chrétien de toute responsabilité et ruine la morale chrétienne. Mais la Bible enseigne et nous exhorte sans cesse à travailler à notre sanctification. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, Romains 13, 12. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, 2 Corinthiens 5, 9. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, 1 Pierre 1, 5. Je ne cite que ces trois textes, mais il y en a des douzaines d'autres où la responsabilité du chrétien est clairement soulignée. On n'y échappe pas. Le chrétien doit participer à son salut ou alors il ne sera pas sauvé. Les doctrines luthériennes ne sont qu'un ramassis de doctrines agréables à entendre et plaisantes pour la chair et qui déresponsabilisent les chrétiens. Oui, la foi nous fait entrer dans le repos de Dieu. Mais le repos en Christ ne signifie pas la paresse en Christ ou la stérilité en Christ. Le repos que nous avons en Christ est à l'antipode de la somnolence, de la mollesse, de l'engourdissement, de l'inactivité et de la stérilité. Le repos que la foi nous a donné en Christ est le repos de notre ancien esclavage au péché. Les réformateurs étaient grandement dans l'erreur. Ils ont interprété les Écritures pour leur propre destruction et celle de tous ceux qui les ont suivis à la lettre. Le salut par la foi seule est tout sauf une doctrine évangélique. C'est une tradition d'homme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Marc 7, 8. Vous mettez l'Écriture de côté pour suivre l'enseignement d'un homme. La foi n'est pas la fin du salut, mais uniquement son commencement. C'est le début d'une longue route. Après la porte étroite de la foi vient le chemin resserré de l'obéissance. Puis ensuite vient le jugement dernier qui, selon nos œuvres ou nos inactions, nous placeront du côté des brebis ou des boucs. Voilà la pure et vraie doctrine biblique et évangélique. Alors voici pour la première partie. Je vous invite à écouter le deuxième message maintenant.